système où la répression est devenue le principal thème. En moins grand 17 énorme flemme. On dirait qu'ils font tout pour mal, que l'on s'entraîne. Je n'ai pas pu vivre dans ton système où la répression est devenue le principal problème. En moins grand 17 énorme flemme. On dirait qu'ils font tout pour mal, que l'on s'entraîne. Au bon moment, j'ai entendu cette mi-pense positive, celle qui dénonce un monde qui bat. Ceux qui n'ont pas d'eau, il faut crier pour eux.